Chacune mettra ses machiavéliques. En dit de mon flow mélancolique. La prod est signée Enzo, t'as ressenti le truc d'Amérique. Y'a des lignes, t'as des rimes, et si t'es hip-hop, t'es partant. Si t'as fini en bombine et reçois mon son qu'on partage, qu'on s'attache et qu'on placarde, de nuit ou sous une lampe. Si je t'éclairais sur le sujet, pourquoi on s'amuse mieux en Hollande? Ça taffe depuis un moment. C'est tout ce qu'on veut retransmettre. Mon trap n'a pas de visage, c'est tout ce qui fait sa beauté. Excusez-nous d'être honnête, d'aimer le hip-hop à la lettre. Pour moi, un bon son de Bigel, c'est mieux que les filles d'à côté. J'ai trop de choses à noter. Demande à Erkan, je te sais jusqu'à Perpi, ce qu'ils traduisent en Espagne. Gueuler ou me taire, parler ou mentir, le stylo big d'Harry Potter, pas une magie pour rebondir. Un album que je m'enterre, je viens de loin, comment vous dire. Et que Dieu m'en soit témoin, je n'ai pas de mic pour les coquines. Je n'ai pas le temps, je le confirme, si tu ne m'aimes pas, je fais avec. Je parle prince et ma consigne, sans la CB de Ben Affleck, sans la CV de ceux qui grimpent. Qu'on retrouve une fois en bas, pas d'entêter dans tes studios, ben ton père, si tu es au taf. Inutile de chercher une dame, d'après la reine, tu ne comptes pas. Fais le calcul, ça n'aide plus d'avoir un BEP comptable. Ça sert à quoi de rester stable? Souriant, voire amical, à force de regarder les gens, je comprends tes douleurs cervicales. Ne t'inquiète pas, on est tous pareils. Toi qui vis autre part, écoute, m'amène. Je crois que l'écriture et la musique t'amènent. Que chacun d'entre nous a un petit problème. Ne t'inquiète pas, on est tous pareils. Toi qui vis autre part, écoute, m'amène. Je crois que l'écriture et la musique t'amènent. Que chacun d'entre nous a un petit problème. Mon Dieu, qu'elle nous a fait progresser. Big up à ceux qui nous ont lâchés, qui n'ont connu que la période d'essai. On est dedans depuis le début, sans notice, très impliqué. Tu peux courir avant que mes valeurs ne se pervertissent. J'zappe ceux qui trahissent, je regarde ceux qui sourient. Je suis comme un gamin quand Dynasty fait mon warm-up à Paris. Alors non merci, si mon rap n'est pas porteur de messages. S'il n'est pas une bouée dans l'aquarium ou le montage. S'il n'est pas une perche tendue vers un avenir optimiste. Secouez-moi si un jour il perd sa flamme militante. Hip-hop jusqu'à l'amour comme Nabil Zerwal, le plus important c'est le chemin, pas d'atteindre l'étoile. Intègre et sans aucun problème existentiel. Bien sûr que le rap c'était mieux avant, et ça c'est officiel. Je parle de valeur, de message, pas d'instrumental, mais de ceux qui sont dessus et dessous en faisant l'apologie du mal. Avec le temps tu te rendras compte qu'ils ne sont même pas fiables. Ils ignorent tant de choses, ils connaissent même pas Fab. Nous on est chopés sans la teucarde à Fleck Ben, avec l'envie d'offrir à nos proches ce que vise à Mel Bent. Voilà ce qu'on défend, la façon dont on l'imagine. Rachid, je comprends que tu ne veuilles pas de pâte dans ton tagine. Les fondations feront la tenue de tes entreprises. Le but n'est pas qu'elles soient bancales comme celles érigées à Abyss. Ne t'inquiète pas, on est tous pareils. Toi qui vis autre part, écoute, m'amène. Je crois que l'écriture et la musique t'amènent. Que chacun d'entre nous a un petit problème. Ne t'inquiète pas, on est tous pareils. Toi qui vis autre part, écoute, m'amène. Je crois que l'écriture et la musique t'amènent. Que chacun d'entre nous a un petit problème.